Genèse chapitre 17. Puis Abraham étant âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut, et lui dit, « Je suis le Dieu fort, tout-puissant, marche devant ma face, et sois intègre, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, et lui dit, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je te ferai devenir des nations, même des rois sortiront de toi. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi en leurs âges, pour être une alliance perpétuelle, afin que je te sois Dieu, et à ta postérité après toi. Et je te donnerai, et à ta postérité après toi, le pays où tu demeures comme étranger, savoir, tout le pays de Chanaan, en possession perpétuelle, et je leur serai Dieu. » Dieu dit, « Encore à Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi, et ta postérité après toi en leurs âges. Et c'est ici mon alliance entre moi et vous, et ta postérité après toi, laquelle vous garderez, savoir, que tout mâle d'entre vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela sera pour signe de l'alliance entre moi et vous. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en vos générations, tant celui qui est né dans la maison, que l'esclave acheté par argent de tout étranger qui n'est point de ta race. On ne manquera donc point de circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair, pour être une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis, la chair du prépuce duquel n'aura point été circoncise, sera retranchée du milieu de ses peuples, parce qu'il aura violé mon alliance. » Dieu dit aussi à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sara. Et je la bénirai, et même, je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, et des rois, chefs de peuple, sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna la face en terre, et sourit, disant en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, aurait-elle un enfant ?» Et Abraham dit à Dieu, « Je te prie qu'Ismaël vive devant toi. » Et Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je t'ai aussi exaucé touchant Ismaël, voici, je l'ai béni, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il engendrera 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient, en cette même saison. » Et Dieu, ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham. Et Abraham prit son fils Ismaël, avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait, et acheté de son argent, tous les mâles qui étaient des gens de sa maison, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu lui avait dit. Et Abraham était âgé de 99 ans, quand il circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. En ce même jour-là Abraham fut circoncis, et son fils Ismaël aussi. Et tous les gens de sa maison, tant ceux qui étaient nés en la maison, que ceux qui avaient été achetés des étrangers par argent, furent circoncis avec lui.